et grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 24e épisode, Monsieur Zaccone. Après la mémorable soirée d'Auteuil, les époux d'Anglard ont une explication orageuse. Le baron révèle à sa femme qu'il n'a jamais été dupe de ses frasques et qu'il n'ignore rien de ses liaisons passées et présentes. Il accuse en effet Hermine d'être la maîtresse de Lucien Debray. Comme, de surcroît, il traverse une mauvaise passe sur le plan financier, il ne pardonne pas à Debray de lui avoir fait perdre 700 000 francs sur une fausse nouvelle propagée par lui. Le banquier fait part au comte de Monte Cristo de cette malchance qui semble le poursuivre depuis quelques jours et dont il ne parvient pas à discerner les causes exactes. Évoquant le mariage de sa fille Eugénie, il avoue qu'il verrait d'un bon œil une alliance avec les Cavalcanti. Ceux-ci, au dire du comte, sont immensément riches. C'est l'occasion pour Danglars d'émettre des doutes sur l'origine de la fortune du comte de Morcerf. Enfin, au cours d'une entrevue secrète avec la baronne Danglars, son ancienne maîtresse, Villefort démontre que Monte Cristo s'est joué d'eux et que leur enfant adultérin qu'il croyait mort est certainement vivant. Nous voici maintenant au 13 juin 1838. Albert de Morcerf revient d'un séjour au Tréport avec sa mère Mercedes, qui fut autrefois la fiancée d'Edmond Dantès, alias Monte Cristo. Soyez le bienvenu, monsieur de Morcerf. Cher comte, j'arrive du Tréport et ma première visite est pour vous. C'est charmant de votre part. Eh bien, avez-vous fait quelque chose pour moi durant mon absence? Monsieur Danglars a dîné chez moi. Je le sais bien, puisque c'est pour fuir sa présence que nous sommes partis, ma mère et moi. Le baron a dîné avec monsieur Andrea Cavalcanti. Votre prince italien? Oh, n'exagérons pas, il se donne seulement le titre de vicomte. C'est donne, dites-vous. Il ne l'est donc pas. Et le sais-je, moi. Il se le donne, je le lui donne, on le lui donne. N'est-ce pas comme s'il l'avait? Quel homme étrange vous faites. Monsieur Danglars a donc dîné avec votre vicomte Cavalcanti. Oui, et avec le major, son père. Madame Danglars, monsieur et madame de Villefort, des gens charmants. Monsieur Debray, Maximilien Morel. Et puis qui encore? Ah oui! Monsieur de Château-Renaud. Mais je ne comprends pas bien, cher vicomte, votre répugnance à devenir l'époux de mademoiselle Danglars. Je ne pense pas qu'elle soit plus pressée de devenir madame de Morcerf. Touchante sympathie. Je crois que mademoiselle Danglars serait une maîtresse charmante, mais comme femme, diable. Voilà votre façon de penser sur votre futur? Une maîtresse, cela se quitte, mais une femme, cela se garde éternellement, de près ou de loin. Or, c'est effrayant de garder toujours mademoiselle Eugénie Danglars, fût-ce même de loin. Vous êtes difficile, vicomte. Oui. Oui, car je pense souvent à une chose impossible. Peut-on savoir laquelle? Trouver une femme comme mon père en a trouvé une. Ah. Ainsi, votre père a été bien heureux. Vous savez mon opinion sur ma mère? Un ange du ciel. Voyez-la. Encore belle, spirituelle, toujours. Meilleure que jamais. Vous donnez à tous ceux qui vous entendent de graves envies de rester célibataire. Voilà justement pourquoi, sachant qu'il existe au monde une femme accomplie, Je ne me soucie pas d'épouser Eugénie Danglars. Ah, j'oubliais. Vous savez que Franz d'Épinay arrive. Ah oui ? Mandé par Monsieur de Villefort. Le procureur du roi est aussi enragé de marier Mademoiselle Valentine que le baron Danglars est enragé de marier Mademoiselle Eugénie. Vous êtes là à vous débattre d'épouser Mademoiselle Danglars. Eh mon Dieu ! Mais laissez donc aller les choses. Et ce n'est peut-être pas vous qui retirerez votre parole le premier. Ah ? Oui, oui, étudiez, regardez, saisissez les allusions au passage et faites-en votre profit. Bon, je comprends. Je veillerai. Écoutez, cher comte, ma mère... Non, pas ma mère, je me trompe. Mon père a eu l'idée de donner un bal. Ah. Les bals d'été sont à la mode, ce sont des bals pur sang. Ceux qui restent à Paris sont de vrais Parisiens. Voulez-vous vous charger d'une invitation pour messieurs Cavalcanti? Quand a lieu votre bal? Le samedi 20 juin. Ah, le père sera reparti. Voulez-vous vous charger d'amener monsieur Cavalcanti fils? Oh... Vous savez, je l'ai vu pour la première fois il y a quelques jours seulement, et je n'en réponds en rien. Vous le recevez bien, vous? Mais oui, mais moi c'est autre chose. Il m'a été recommandé par un brave curé qui peut lui-même avoir été trompé. Non. Non, invitez-le directement. S'il allait plus tard épouser Mademoiselle Danglars, vous m'accuseriez de manège et vous voudriez vous couper la gorge avec moi. Non, non, non. D'ailleurs, je ne sais pas si j'irai à votre bal. Oh non. Ah. Vous ne m'avez pas encore invité. Mais je suis venu exprès pour vous apporter votre invitation. Et ma mère elle-même vous en prie. Madame la comtesse de Morcerf? Madame de Morcerf cause librement avec moi. Pendant ces quelques jours passés au Tréport, nous n'avons parlé que de vous. En vérité, vous me comblez. Ainsi vous viendrez. Puisque Madame de Morcerf m'en prie... Dansez-vous, cher comte? Non, non, non. Mais j'aime avoir dansé. Et Madame de Morcerf, danse-t-elle? Jamais, non plus. Vous causerez? Elle a tant envie de causer avec vous. Vraiment? Parole d'honneur. Et je vous déclare que vous êtes le premier homme pour lequel ma mère ait manifesté cette curiosité. Dites-moi... Quand arrive Monsieur d'Épinay? Dans 5 ou 6 jours. Et quand se marie-t-il? Aussitôt l'arrivée de Monsieur et Madame de Saint-Méran, les grands-parents maternels de Valentine de Villefort. Ah, amenez-le-moi donc quand il sera à Paris, je serai heureux de le voir. Bien. Entendu, vos ordres seront exécutés, Seigneur. Au revoir, comte. Au revoir. Ah, eh bien, monsieur Bertuccio, avez-vous ces renseignements? Madame Danglars est bien allée ce jour-là au palais et y a rencontré monsieur de Villefort. Elle y est restée 1 heure environ. Et ensuite? Elle est rentrée chez elle. Directement? Oui, Excellence, directement. Bien. Mon cher monsieur Bertuccio, si j'ai maintenant un conseil à vous donner, c'est d'aller voir en Normandie si tout est prêt dans cette propriété que vous m'avez achetée au bord de la mer. Oui, Excellence. Le yacht ne devrait pas tarder à arriver. J'ai écrit à Jacopo il y a 8 jours. Juin 1838. Dans le bureau de Gérard de Villefort, au palais de justice. Monsieur de Beauville, sous-chef de la Sûreté, m'a chargé de vous remettre cette lettre, monsieur le procureur. Bien, merci. La personne que l'on appelle monsieur le comte de Monte-Cristo est connue particulièrement de là où il meurt, riche étranger que l'on voit quelquefois à Paris et qui s'y trouve en ce moment. Il est connu également de l'abbé Busoni, prêtre sicilien d'une grande réputation en Orient, où il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Lord Wilmore demeure rue Fontaine-Saint-Georges, l'abbé Bouzogne, numéro 6 de la rue Garancière. Espérons que c'est de là, ça va quoi s'en tenir sur Monte Cristo. C'est bien, monsieur l'abbé Bouzogne, que j'ai l'honneur de parler. Oui, monsieur. Et vous êtes la personne que monsieur de Beauville, ancien intendant de prison, m'envoie de la part de monsieur le préfet de police. C'est bien cela. Bien. Alors, je vous écoute. Votre probité, monsieur l'abbé, est si connue de monsieur le préfet de police, qu'il veut savoir de vous une chose qui intéresse la sûreté publique. Nous espérons qu'il n'y aura ni lien d'amitié, ni considération humaine qui puisse vous engager à déguiser la vérité à la justice. Pour vous, monsieur, que les choses qu'il vous importe de savoir ne touchent en rien aux scrupules de ma conscience. Je suis prêtre, et le secret de la confession, par exemple, doivent rester entre moi et la justice de Dieu, et non pas entre moi et la justice des hommes. Soyez tranquille, monsieur l'abbé. Dans tous les cas, nous mettrons votre conscience à couvert. J'arrive au fait. Vous connaissez monsieur le comte de Monte Cristo? Vous voulez parler de monsieur Zaccone, je présume? Zaccone? Ne s'appelle-t-il pas Monte Cristo? Non, Monte Cristo est le nom d'une terre, mais pas un nom de famille. Eh bien, parlons donc de monsieur Zaccone. Vous le connaissez? Oui, beaucoup. Qui est-il? Ben, c'est le fils d'un armateur de Malta. Ah. J'ai connu M. Zaccone, le père, et tout enfant, j'ai joué avec son fils dans les chantiers de construction. Mais ce titre de comte... Cela s'achète. Ben, ses richesses sont immenses, à ce qu'on dit. Oui, immense, c'est le mot. Il a bien 200 000 livres de rente. Mais on parle de 3, de 4 millions. Non, mais 200 000 livres de rente font juste 4 millions de capital. On parlait de 3 à 4 millions de rente. Non, ça ce n'est pas croyable. Et vous connaissez son île de Monte Cristo? Oui, certainement, certainement. Tout homme qui est venu de Palerme ou de Napoli ou de Rome en France, par la mer... La connaît pour l'avoir vue en passant. Oui, c'est un rocher que le comte a acheté justement pour être comte. Parce que vous savez, en Italie, pour être comte, on a encore besoin d'un comté. Vous avez sans doute entendu parler des aventures de jeunesse de M. Zaccone. Ah, voici où commencent mes incertitudes, car c'est à ce moment-là que j'ai perdu mon camarade de vue. Oui, je crois qu'il a servi dans la marine. Mais vous n'êtes pas son confesseur? Non, non, je le crois luthérien. Oui. Il passe pour un homme fort charitable. Vous savez, notre Saint-Père, le Pape, l'a fait chevalier du Christ. Faveur qu'il n'accorde guère qu'au prince pour les services éminents qu'il a rendus aux chrétiens d'Orient. Ah. Il a 5 ou 6 grands cordons conquis par des services rendus aux princes et aux états. Il ne les porte pas, mais il en est fier. Il dit qu'il aime mieux les récompenses accordées aux bienfaiteurs de l'humanité que les récompenses accordées aux destructeurs des hommes. Lui connaît-on des amis? Ah oui, oui. Il a pour amis tous ceux qui le connaissent. Pourtant, il a bien quelques ennemis. Oui, un seul. Lord Wilmore. Mais dites-moi, ce Lord Wilmore, pourrait-il me donner des renseignements? Précieux, oui, précieux. Il était dans l'Inde en même temps que Zaccone. Monsieur l'abbé, pensez-vous que le comte de Monte Cristo soit jamais venu en France avant le voyage qu'il vient de faire à Paris? Ah non, monsieur, il n'est jamais venu. Non. Non, puisqu'il s'est adressé à moi, il y a 6 mois, pour... pour avoir les renseignements qu'il désirait. Et de mon côté, j'ignorais à quelle époque je serais moi-même de retour et je lui ai adressé M. Cavalcanti, père. Très bien, monsieur l'abbé. Je n'ai plus qu'à vous demander une chose. Et je vous prie au nom de l'honneur, de l'humanité et de la religion de me répondre, mais sans détour. Je vous en prie, monsieur, dites-moi. Savez-vous dans quel but monsieur le comte de Monte Cristo a acheté une maison à Auteuil ? Oui, certainement. Oui, il me l'a dit. Dans quel but ? De faire un hospice d'aliénés. Dans le genre de celui fondé par les barons di Pisani à Palermo. Vous connaissez cet hospice ? De réputation. Oui, c'est une institution magnifique. Est-ce là tout ce que vous voulez savoir, monsieur ? Oui, oui. Bien, je vous remercie, monsieur l'abbé. Si je connais Dacone, qui se fait appeler le comte de Monte Cristo. Oh, yes. Yes, je le connais. Que voulez-vous savoir de lui ? Oh, ma foi, tout ce que vous pourrez m'en dire. Sur sa jeunesse en particulier. Monsieur le préfet de police, vous serez infiniment reconnaissant de vouloir bien l'éclairer sur le passé du comte. Well, sa jeunesse. Il est entré à l'âge de 15 ans au service d'un de ces petits souverains de l'Inde qui font la guerre aux Anglais. Oui, c'est là-bas que je l'ai rencontré pour la première fois. Yes. Et nous avons combattu l'un contre l'autre. Longtemps? Well, a few years. Quelques années. Oui, c'est dans cette guerre que Dacone a été fait prisonnier et envoyé en Angleterre. On l'avait mis sur les... Comment dites-vous? Sur les pontons. Mais il s'est enfui à la nage. Et ensuite? Alors, il a commencé à voyager. Oui, vous savez, ces duels et ces passions ont fait parler de lui. Et puis, est arrivée l'insurrection de la Grèce, et il a servi dans les rangs des Grecs. C'est une vie d'aventurier que vous me contez là, cher monsieur. Je ne vois rien là qui ait pu lui assurer cette fortune. Non, attendez, j'y arrive. C'est pendant qu'il était au service des Grecs qu'il a découvert un silver mine, une mine d'argent dans les montagnes de la Thessalie, mais il a gardé sa découverte pour lui tout seul. Et lorsque le gouvernement grec a été consolidé, il a demandé au roi Othon, un privilège d'exploitation pour la mine, un privilège qui lui fut accordé. Et de là vient cette fortune immense qui peut monter à 2 millions de revenus. 2 millions? Yes. Mais une fortune qui peut tarir tout à coup, si la mine elle-même tarit. Savez-vous pourquoi il est venu en France? Oui, yes. Il veut spéculer sur le chemin de fer. Et puis, vous savez, comme il est un chimiste habile et un physicien non moins distingué, il a découvert un nouveau télégraphe dont il poursuit l'application. Combien dépense-t-il à peu près par an? 500 ou 600 000 francs, tout au plus. Vous savez, il est avare. Savez-vous quelque chose de sa maison d'Auteuil? Savez-vous dans quel but il l'a acheté? Oui, certainement. Certainement, le comte est un spéculateur qui se ruinera en essai et en utopie. Il prétend qu'il y a à Auteuil, dans les environs de cette maison, un courant de mineral water, de eau minérale, qui peut rivaliser avec les eaux de Bagnères et l'autre station de... Le champ. Il veut faire de son acquisition un bathhaus, comme disent les Allemands. Enfin, il a déjà deux ou trois fois retourné tout son jardin pour retrouver le fameux cours d'eau. Et comme il n'a pas pu le découvrir, vous allez le voir d'ici à peu de temps acheter les maisons qui environnent la sienne. Oui. Or, comme je lui en veux, j'espère que dans son chemin de fer, dans son télégraphe et dans son exploitation de bain, il va se ruiner. Oui, je le suis pour jouir de sa déconfiture, qui ne peut manquer d'arriver un jour ou l'autre. Mais pourquoi lui en voulez-vous? Oh, parce qu'en passant en Angleterre, il a séduit la femme d'un de mes amis. Dans ce cas, pourquoi ne cherchez-vous pas à vous venger de lui? Je me suis battu trois fois en duel avec le comte. La première fois au pistolet, la seconde à l'épée et le troisième au sabre. Et le résultat de ces duels a été... La première fois, il m'a cassé le bras... La seconde fois, il m'a traversé le poumon. Et la troisième, il m'a fait cette blessure ici, au cou, que vous voyez. Ah oui, mais ce n'est pas vieux. Yes, no. Trois mois. Nous étions encore en Italie à ce moment-là. Et donc je lui en veux beaucoup. Et il ne mourra que de ma main. Vous ne prenez pas le chemin de le tuer. Ce me semble. Oh, yes. Tous les jours, je vais au tir. Et tous les deux jours, Grisier, le fameux Grisier, le maître d'armes, vient chez moi. Et il va falloir que vous m'excusiez, car c'est l'heure de ma leçon. Bien. Je vous remercie, monsieur, pour tous ces précieux renseignements. Je vous en prie. James, reconduisez monsieur l'envoyé du préfet de police. I've been very happy to know you and hope to see you again. Au revoir, monsieur. Oh, yes. Après cet entretien avec Lord Wilmore et l'autre avec... Questo caro abbato Busoni. Monsieur de Villefort va retrouver le sommeil. Enfin, pour quelque temps, du moins. Mm-hmm. Vous cherchez ma fille, vicomte? Je l'avoue, madame la baronne. Auriez-vous eu la cruauté de ne pas amener mademoiselle Eugénie? Rassurez-vous, elle a rencontré mademoiselle de Villefort. Tenez, les voici qui nous suivent toutes deux, en robe blanche. Mais qui cherchez-vous, madame? Est-ce que vous n'aurez pas ce soir le comte de Monte Cristo? 17. Mais que voulez-vous dire avec votre 17? Je veux dire que vous êtes la 17e personne qui me fait la même question. Rassurez-vous, à votre tour, nous aurons l'homme à la mode. Nous sommes des privilégiés. Étiez-vous hier soir à l'opéra? Non, pourquoi donc? Il y était, lui. Ah, vraiment? Et l'Eccentric Man a-t-il fait quelque nouvelle originalité? Peut-il se montrer sans cela? Elsler dansait le diable boiteux. La princesse grecque qui accompagnait le comte était dans le ravissement. Après la cachucha, Il a passé une bague magnifique dans la queue d'un bouquet et l'a jetée à la charmante danseuse, qui, au troisième acte, a reparu pour lui faire honneur avec sa bague au doigt. Et j'ai manqué cela. Et la princesse grecque, l'aurez-vous ? Non, sa position dans la maison du comte n'est pas assez fixée. Vicomte, laissez-moi ici. Et allez nous saluer, madame de Villefort. Je vois qu'elle meurt d'envie de vous parler. Je vous obéis à l'instant même. Je parie, chère madame, que vous allez me demander si le comte de Monte Cristo va venir. Pas du tout. Alors vous êtes l'exception. J'allais vous demander si vous aviez reçu des nouvelles de Monsieur Franz d'Épinay. Oui, il m'a écrit il y a quelques jours. Il m'annonçait qu'il partait en même temps que sa lettre. Il sera donc là bientôt, demain, peut-être. Bien. Maintenant, le comte ? Il viendra, soyez tranquille. Je ne m'inquiétais pas. Mais vous-même, savez-vous qu'il a un autre nom que Monte Cristo ? Non, je ne savais pas. Monte Cristo est un nom d'île, et il a un nom de famille. Ah ! Il s'appelle Zaccone. C'est possible. Il est maltais, fils d'un armateur. Mais vous devriez raconter ces choses-là tout haut, vous auriez le plus grand succès. Il a servi dans l'Inde, exploite une mine d'argent en Thessalie, et il est venu à Paris pour faire un établissement d'eau minérale à Auteuil. Eh bien, voilà des nouvelles. Me permettez-vous, madame, de les répéter ? Oui, mais petit à petit, une à une, et sans dire qu'elles viennent de moi. Mais pourquoi cela ? Parce que c'est un secret surpris. Auprès de qui ? De la police. Alors ces nouvelles se débitaient ? Hier soir, chez le préfet. Quelle raison peut-on avoir ? Paris s'est ému, vous le comprenez bien, à la vue de ce luxe inusité. La police a pris des informations. Bah. Il ne manque plus que d'arrêter le comte comme vagabond sous prétexte qu'il est trop riche. Ah, ma foi, c'est ce qui aurait bien pu lui arriver si les renseignements n'avaient pas été si favorables. Pauvre comte. Se doute-t-il du péril qu'il a couru ? Je ne crois pas. Alors c'est charité que de l'en avertir. À son arrivée, je n'y manquerai pas. Faites comme vous l'entendrez. Mais surtout, pas un mot sur votre source d'information. Vous avez ma parole, madame. Voici Morel. Bonsoir. Madame de Villefort, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Maximilien Morel, capitaine au Spahi, l'un de nos bons et surtout de nos braves officiers. Madame. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer Monsieur à Auteuil, chez Monsieur le Comte de Monte Cristo. Ah, mais le voici qui entre, justement. Oh, c'est lui, le Comte. Oh, Monte Cristo. Quelle élégance. Quelle race. Lui, le Comte de Monte Cristo. Je ne l'avais pas encore vu. Le voilà. Oh, c'est lui. Je le croyais plus jeune. Et moi plus vieux. Comme il est pas. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 24e épisode, Monsieur Zaccone. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, alias l'abbé Busoni, alias Lord Wilmore, Pierre Santini, Albert de Morcerf, Richard Leduc, Bertuccio, André Weber, Gérard de Villefort, André Oumanski, la baronne d'Anglars, Claire Morier, Héloïse de Villefort, Anne Deleuze, Maximilien Morel, Pierre Arditi, un homme, Philippe Derez, l'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage Louis Amiel. Chef opérateur du son Marcel Grenier. Collaboration technique Bernard Delfieux. Régisseur de production Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 13 novembre 1980. Vous pouvez le télécharger ainsi que les précédents sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. À suivre demain à la même heure.